Savinouk, qu'il est pas passé à Birouk. Il ne s'en est jamais servi, car soulagé sa vessie. Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II. Les matins, elle est lavée par des nonnes se bordées. Tu lui laves cette culotte, utilise-t-il des carpottes. Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II. Un jour elle se lèvera, et alors s'accomplira la réforme du christianisme, d'abord tous dans les églises. Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II. Pop, pop, la vidéo, dis le papa Saint-Mirouc, il ne s'en est jamais servi, car soulagé sa vessie. Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II, Jean-Paul II.